بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ? Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Inna a'tadna lil-kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. D'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil ni froid glacial. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Ces ombrages les couvriront de près et ses fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines. En cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé.